Chapitre 7e. Œil de lynx. Qu'en dis-tu, mon garçon ? L'avais-je annoncé, l'événement ? Lis ma brochure sur la manche en l'an 2000 et tu verras. Et puis, rappelle-toi, l'autre matin, à la gare maritime de New Haven, hein ? Tout ce que je t'ai prédit. Et voilà, les deux pays sont soudés l'un à l'autre comme autrefois à l'époque éocène. Réveillé en sursaut par le père calcaire, Simon, les yeux gros de sommeil, regardait, sans trop comprendre, la chambre d'hôtel où il avait dormi, son vieux professeur qui s'y promenait, et un autre individu assis dans l'ombre qui devait être un ami du père calcaire. « Ah ça !»« Mais, murmura Simon, quelle heure est-il donc ?»« 7 heures du soir, mon petit. »« Hein, quoi 7 heures ?»« Depuis la réunion d'hier soir au casino, je dors. »« Et comment ?»« Moi, je vagabondais aux environs, ce matin, quand j'ai appris ton aventure. »« Simon Dubosc ?»« Mais je connais ça. »« Jaco ?» Je frappe, j'entre, rien ne te réveille. Je m'en vais, je reviens, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je prenne le parti de m'installer à ton chevet et d'attendre. Simon sauta du lit. Des vêtements neufs et du linge avaient été déposés dans la salle de bain, et il aperçut, accroché au mur, son veston, celui-là même dont la veille, il avait recouvert les épaules nues de la jeune femme délivrée par lui. « Qu'est-ce qui m'a apporté cela ? » dit-il. « Quoi, cela ? » fit le père calcaire. Simon se tourna vers lui. « Dites donc, mon vieux maître, tandis que vous étiez ici, personne n'a pénétré dans cette chambre ?»« Si, des tas de gens. On entrait comme on voulait, des admirateurs, des curieux. »« Est-il entré une femme ?»« Ma foi, je n'ai pas remarqué. Pourquoi ?»« Pourquoi ?» répondit Simon en précisant. « C'est que plusieurs fois cette nuit, pendant mon sommeil, j'ai eu l'impression qu'une femme s'approchait, se penchait sur moi. » Le père calcaire haussa les épaules. « Tu as rêvé, mon petit. Quand on est très là, on a comme ça les cauchemars. » « Mais cela n'avait rien du cauchemar, » dit Simon en riant. « Bilvesé, en tout cas, » s'écria le père calcaire. « Est-ce que ça compte ? Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est cette brusque soudure, hein ? Et ça, c'est formidable. Qu'en dis-tu ? C'est plus qu'un pont jeté d'une rive à l'autre, c'est plus qu'un tunnel, c'est un lien de chair et d'os, une jonction définitive, un isthme, quoi. L'isthme de Normandie, comme on l'appelle déjà ?» Simon plaisanta. « Oh, un isthme. Une digue, tout au plus. Qu'est-ce que tu chantes ?» s'écria le père calcaire. « Tu ne sais donc pas ce qui s'est produit cette nuit ?»« Eh non, parbleu, il ne sait rien. Il dormait. » »« Alors tu ne t'es pas aperçu que la terre frémissait encore ?»« Très peu, mais tout de même. » »« Non. » »« Tu ne t'es pas réveillé ?»« En ce cas, mon garçon, apprends cette chose incroyable qui dépasse les prévisions. Il ne s'agit plus de la bande de terre que tu as franchie de Dieppe à Hastings. Cela, c'était le coup d'essai, une toute petite amorce du phénomène. Mais depuis, oh, depuis, mon garçon, tu écoutes, n'est-ce pas ? Eh bien, voilà, en France, de Fécamp jusqu'au Cap Grinet, en Angleterre depuis l'ouest de Brighton jusqu'à Folkestone, tout ça, mon petit, ne forme plus qu'un bloc. Hein ? Comme soudure, ça existe. 25 à 30 lieues de large, un morceau de terre au soleil qui vaut bien 2 beaux départements de France et 2 beaux comtés d'Angleterre. La nature a bien travaillé en quelques heures. Qu'en dis-tu ? Simon l'écoutait avec stupeur. Est-ce possible ? Vous êtes sûr ? Mais alors cela devient une cause de désastres qui n'ont pas de nom. Réfléchissez. Toutes les villes du littoral sont perdues, et le commerce, la navigation. Et Simon, qui pensait à son père et au bateau enfermé dans le port de Dieppe, répéta. Vous êtes bien sûr, parbleu, affirma le père calcaire, à qui toute considération était parfaitement indifférente. Parbleu, 100 télégrammes attestent la nouvelle, expédiée de tous les points. Et puis, lis les journaux du soir. Ah, je te jure que c'est une sacrée révolution. Le tremblement de terre, les victimes, à peine si on en parle. Ton raid franco-anglais, une vieille histoire. Non, il n'y a qu'une chose qui compte de ce côté de la Manche. L'Angleterre n'est plus une île, elle fait partie du continent européen, elle est arrivée à la France. Simon prononça. C'est là un des plus grands faits de l'histoire. Le plus grand, mon garçon. Depuis que le monde est monde et que les hommes se sont groupés en nations, aucun phénomène physique n'a eu plus d'importance que celui-là. Et dire que j'ai tout prédit. Les effets, les causes, ces causes que moi seul peux connaître. « Et quelles sont-elles ? » demanda Simon. « Comment se peut-il qu'un passage se soit offert à moi ? Comment se peut-il ? » Le père calcaire l'arrêta d'un geste qui rappelait à Simon la manière dont son vieux professeur entamait jadis ses explications. Et le bonhomme, prenant un porte-plume et une feuille de papier, commença. « Sais-tu ce que c'est qu'une faille ? Non, n'est-ce pas ? Et un Horst ? Pas davantage. » Ah, une leçon de géologie au collège de Dieppe, autant d'heures perdues. Eh bien, ouvre les oreilles, élève Dubosc. Je serai bref et sommaire. L'écorce terrestre, c'est-à-dire la croûte qui entoure la boule de feu intérieure d'éléments solidifiés, roches éruptives ou roches sédimentaires, est composée dans son ensemble de couches superposées à la façon des pages d'un livre. Imagine que des forces quelconques, agissant latéralement, compriment ces couches, il y aura des plissements, parfois même des cassures, dont les deux parois, glissant l'une contre l'autre, s'abaisseront ou s'élèveront. On appelle failles les cassures qui traversent l'écorce terrestre et séparent deux massifs dont l'un a glissé sur le plan de fracture. La faille présente donc un bord, une lèvre inférieure produite par l'affaissement du terrain et une lèvre supérieure produite par un exhaussement. Or, il peut arriver que tout à coup, après des milliers et des milliers d'années, cette lèvre supérieure, sous l'action de forces tangentielles irrésistibles, se soulève, jaillisse et forme des rejets parfois considérables auxquels on a donné le nom de Horst. C'est ce qui vient d'avoir lieu. Il existe en France, marquée sur les cartes géologiques, une faille dite de Rouen, qui est une importante dislocation du bassin de Paris. Parallèle au plissement du sol qui, dans cette région, a affecté les terrains crétacés et tertiaires du nord-est au nord-ouest, elle se dirige sur une longueur de 120 km de Versailles au-delà de Rouen. À Maromme, on la perd. Mais moi, Simon, je l'ai retrouvée dans les carrières au-dessus de Longueville, et je l'ai retrouvée non loin de Dieppe. Et enfin, je l'ai retrouvée, sais-tu où? En Angleterre, à Eastbourne, entre Hastings et New Haven. Même composition, même disposition. Aucune erreur possible. Elle allait de France en Angleterre. Elle passait sous la Manche. Ah, ce que je l'ai étudié, ma faille. La faille du père calcaire, comme je l'appelais. Comme je l'ai ausculté, déchiffré, interrogé, analysé. Et voilà que soudain, c'était en 1912, des secousses sismiques ébranlent les plateaux de la Seine inférieure et de la Somme et agitent, de manière anormale, j'en ai la preuve, les flots de la mer. Des secousses en Normandie, dans la Somme, en pleine mer. Saisis-tu l'étrangeté d'un tel phénomène et combien, d'autre part, il prend une valeur significative par le seul fait qu'il a lieu le long d'une faille. Ne pouvait-on supposer que le long de cette faille, il se produisait des poussées, que des forces captives cherchaient à s'échapper au travers de l'écorce terrestre et s'attaquer au point de moindre résistance qui précisément s'échelonne sur le parcours des failles? Hypothèse invraisemblable. Soit, mais digne en tout cas d'être contrôlée. C'est ce que je fis. J'effectuai des plongées en vue des côtes françaises. À la quatrième, au Ridin de Dieppe, dont la profondeur n'est que de 20 mètres, je découvris les traces d'une éruption dans le double massif d'une faille dont tous les éléments étaient identiques à ceux de la faille anglo-normande. J'étais fixé. Il n'y avait plus qu'à attendre, 100 ou 200 ans, ou bien quelques heures. Mais pour moi, il était de toute évidence qu'un jour ou l'autre, l'obstacle fragile opposé aux énergies intérieures céderait et que s'accomplirait le grand bouleversement. Il s'est accompli. Simon écoutait avec un intérêt croissant. Le père calcaire illustrait son discours de dessin exécuté à gros traits de plume et barbouillé de pâté d'encre, que sa manchette ou que ses doigts étalaient complaisamment sur le papier. Des gouttes de sueur s'y mêlaient aussi, tombaient de son front, car le père calcaire transpirait toujours abondamment. Il répéta. Il s'est accompli, avec un cortège de phénomènes précurseurs et concomitants, éruptions sous-marines, tourbillons, barques et vaisseaux lancés en l'air, et aspiré par la plus effroyable succion, et puis, ébranlement sismique plus ou moins accentué, cyclone, trombe, tout le diable et son train, et puis, le cataclysme d'un tremblement de terre, et aussitôt après, en même temps, le jaillissement d'une des lèvres de la faille émergeant d'une rive à l'autre sur une largeur de 25 ou 30 lieues, et puis, par là-dessus, toi, Simon Dubosc, enjambant le détroit et passant. Et dans toute cette histoire, mon petit, ce n'est peut-être pas là ce qui fut le moins extraordinaire. Simon garda le silence assez longtemps, puis il dit « Soit, vous expliquez l'apparition de l'étroite bande de terre que j'ai suivie et dont mes yeux n'ont, pour ainsi dire, pas cessé de mesurer la largeur. Mais comment justifier l'apparition de cette immense région qui maintenant comble le Pas-de-Calais et une partie de la Manche ? Peut-être la faille anglo-normande avait-elle des ramifications dans les massifs qui furent affectés ? Je vous répète que je n'ai vu qu'une bande étroite. C'est-à-dire que tu n'as vu et parcouru que les sommets les plus hauts de la région soulevée, sommets formant une ligne de crête. Mais la région était soulevée tout entière, et tu as dû remarquer que les vagues, au lieu de s'abattre, roulaient sur des kilomètres de grève. En effet, mais néanmoins la mer était là, et elle n'y est plus. Elle n'y est plus parce qu'elle s'est retirée. Les phénomènes de cette envergure retentissent en dehors de leur champ d'action immédiat, et déterminent d'autres phénomènes qui à leur tour agissent sur les premiers. Et si une pareille dislocation du plancher sur lequel reposait la manche a exaucé telle partie, elle a fort bien pu, en telle autre partie sous-marine, provoquer des effondrements et des ruptures par où l'eau s'est enfuie à travers l'écorce. Note bien qu'il a suffi d'une diminution de niveau de 2 ou 3 mètres pour que ces kilomètres de grève à peine recouvertes fussent définitivement mis à sec. Supposition, mon cher maître. Eh bien non, s'écria le père Calcaire en frappant la table du poing. Non, à ce propos aussi j'ai des données certaines, et toutes mes preuves, je les exposerai en temps utile, ce qui ne tardera pas. Il tira de sa poche le fameux portefeuille à serrure dont Simon avait aperçu naguère à New Haven, le Marocain gras et décoloré, et il déclara « La vérité sortira d'ici, mon garçon, de ce portefeuille où les notes s'accumulent, 415 notes auxquelles il faudra bien recourir. Car maintenant que le phénomène est accompli et que toutes ces causes mystérieuses en sont bouleversées, on ne saura jamais rien en dehors de ce que moi j'ai observé sur le vif. On supposera, on déduira, mais on ne verra pas. Moi, j'ai vu. » Simon, qui ne l'écoutait plus que d'une oreille distraite, l'interrompit. « En attendant, mon cher maître, j'ai faim. Voulez-vous dîner ?»« Merci, je prends le train pour Douvres afin de traverser cette nuit. Il paraît que les paquebots Douvres-Calais ont repris leur service, et j'ai hâte de publier un mémoire et de prendre position. » Il regarda sa montre. « Fichtre, il est plus que temps. Pourvu que je ne manque pas mon train. À bientôt, mon garçon. » Il s'en alla. L'autre personnage, assis dans l'ombre, n'avait pas bougé durant cette conversation. Et au grand étonnement de Simon, il ne bougea pas davantage après le départ du père Calcaire. Simon, ayant allumé l'électricité, fut stupéfait de se trouver en face d'un personnage semblable en tout point à celui dont il avait vu le cadavre la veille près de l'épave. Même figure couleur de brique, même pommettre sortie, même cheveux à demi longs, même accoutrement de cuir fauve. Cet homme-là, cependant, était beaucoup plus jeune, noble d'attitude et beau de visage. « Un vrai chef indien, se dit Simon, et qu'il me semble bien avoir vu quelque part. Oui, vraiment, je l'ai vu. Mais où? À quelle époque ?» L'inconnu gardait le silence. Il lui demanda « Voudriez-vous me dire ce qui me vaut ?» L'autre s'est élevé. Il alla vers le guéridon sur lequel Simon avait vidé ses poches, prit la pièce d'or à l'effigie de Napoléon Ier trouvée la veille, et prononça, en un français très pur, mais d'une voix dont le timbre guttural s'accordait avec l'aspect du personnage. « Vous avez ramassé cette pièce hier sur votre parcours non loin d'un cadavre, n'est-ce pas ?» La supposition était si juste et si imprévue que Simon ne pouvait que la confirmer. En effet, non loin d'un homme qui venait de mourir d'un coup de couteau. « Peut-être avez-vous pu relever les pas de l'assassin ?»« Oui. » « C'étaient des empreintes de souliers de bain de mer ou de tennis à dessous de caoutchouc quadrillé ?»« Oui, oui, » dit Simon, de plus en plus interloqué. « Mais comment savez-vous cela ?»« Monsieur ?» continua sans répondre à la question celui que Simon appelait lui-même l'Indien. « Monsieur, hier un de mes amis, du nom de Badiarinos, et sa nièce Dolores, voulant explorer la nouvelle terre après les convulsions du matin, découvrit dans le port, au milieu des décombres, un étroit chenal qui communiquait avec la mer encore libre à ce moment. Un homme montait dans une barque. Il offrit à mon ami et à sa nièce de les emmener. Ayant ramé pendant longtemps, ils aperçurent plusieurs grandes épaves et ils atterrirent. Badiarinos laissa sa nièce dans la barque et s'en alla d'un côté, tandis que leur compagnon suivait une autre direction. Une heure plus tard, celui-ci revenait seul, portant une vieille cassette fracturée d'où s'échappaient des pièces d'or. Comme il y avait du sang à l'une de ses manches, Dolores s'effraya et voulut descendre. Il se précipita sur elle, et malgré la résistance désespérée qu'elle lui opposa, réussit à l'attacher. Il reprit les rames et s'en retourna le long du nouveau rivage. En cours de route, il résolut de se débarrasser d'elle et la jeta par-dessus bord. Elle eut la chance de rouler sur un banc de sable qui, quelques minutes après, fut à découvert et bientôt relié à la terre ferme. Tout de même, elle y fut morte si vous ne l'aviez pas délivrée. « Oui, murmura Simon, une Espagnole, n'est-ce pas? Très belle, je l'ai revue au casino. Toute la soirée, continua l'Indien, de son même débit imperturbable, nous avons cherché l'assassin à la réunion du casino, dans les bars, dans les tavernes, partout. Ce matin, nous avons recommencé, et je suis venu ici, désirant en outre vous rapporter le vêtement que vous aviez prêté à la nièce de mon ami. C'est donc vous? Or, en arrivant au couloir sur lequel donne votre chambre, j'entendis des gémissements et j'avisai un peu plus loin. Le couloir est très obscur. J'avisai un homme qui se traînait à terre, blessé, à moitié mort. Avec l'aide d'un domestique, je le transportai dans une des pièces qui servent d'infirmerie, et je pus voir qu'il avait été frappé d'un coup de couteau entre les deux épaules, comme mon ami. Avais-je retrouvé la piste du meurtrier? L'enquête était difficile dans cet immense hôtel, encombré d'une cohue indescriptible de gens qui sont venus s'y réfugier. Enfin, je ne pus établir qu'un peu avant 9 heures, une femme de chambre, venue du dehors, une lettre à la main, avait demandé au portier « Monsieur Simon Dubosc ?» Le portier avait répondu « Au deuxième étage, numéro 44. »« Mais cette lettre, je ne l'ai pas reçue, » observa Simon. « Le portier, par bonheur pour vous, se trompa de numéro. Vous êtes au 43. » « Et qu'est-elle devenue? Qui me l'envoyait ?»« Voici un morceau de l'enveloppe que j'ai recueillie, » répliqua l'Indien, « et où se distingue encore un cachet aux armes de Lord Beakfield. J'ai donc couru au château Battle. Et vous avez vu, Lord Beakfield, sa femme et sa fille sont partis dès ce matin pour Londres en automobile. Mais j'ai vu la femme de chambre. C'était bien elle qui avait apporté à l'hôtel pour vous une lettre de sa maîtresse. En montant l'escalier, elle avait été rattrapée par un monsieur qui lui avait dit « Monsieur Simon Dubosc dort et m'a chargé de défendre sa porte. Je lui donnerai la lettre. » La femme de chambre remit donc cette lettre et accepta une gratification d'un louis. Voici ce louis. C'est une pièce à l'effigie de Napoléon Ier, portant la date de 1807, donc exactement semblable à celle que vous avez ramassée près du cadavre de mon ami. Et alors ? Demanda Simon anxieusement. Alors, cet homme, ayant pris connaissance de la lettre, va frapper au numéro 44, qui est la chambre contiguë à la vôtre. Votre voisin ouvrit sa porte, fut saisi à la gorge, tandis que l'assassin, de son bras libre, lui enfonçait un poignard par-dessus les épaules dans la nuque. « Est-ce possible ? C'est donc à ma place ? C'est à votre place qu'il a été frappé, oui, mais il n'est pas mort, on le sauvera. » Simon était bouleversé. « C'est effrayant, » murmura-t-il. « Encore cette même façon de frapper. » Après un silence, il demanda. « Vous ne savez rien sur le contenu de la lettre ?» Selon quelques mots échangés entre Lord Beakfield et sa fille, la femme de chambre a compris qu'il était question de l'épave de la Reine Marie, ce bateau avec lequel Miss Beakfield a fait naufrage l'autre jour, et qui doit être à découvert maintenant. Miss Beakfield aurait alors perdu une miniature. « Oui, en effet, » dit Simon pensivement. « Oui, c'est vraisemblable. Mais il est désolant que cette lettre ne m'ait pas été remise en main propre. La femme de chambre n'aurait jamais dû s'en dessaisir. Pourquoi se serait-elle méfiée ? Comment, le premier venu qui passe ? Mais elle le connaissait. Elle connaissait cet homme, certes, l'avait rencontré souvent chez Lord Beakfield. C'est un intime de la maison. » Alors elle a pu vous dire son nom? Elle m'a dit son nom. Il s'appelle Rolston. Simon bondit sur lui-même et s'écria. Rolston? C'est impossible. Rolston? Quelle folie! Comment est-il cet individu? Quel est son signalement? L'individu que la femme de chambre et moi nous avons vu est très grand, ce qui lui permet de dominer ses victimes et de les frapper par-dessus les épaules. Il est maigre, un peu voûté, très pâle. Taisez-vous! Ordonna Simon, impressionné par ce signalement qui était celui d'Edwards. « Taisez-vous. Cet homme est un de mes amis, et je réponds de lui comme de moi-même. Rolston, un assassin, allons donc. » Et Simon se mit à rire nerveusement, tandis que l'Indien, toujours impassible, reprenait. Entre autres renseignements, la femme de chambre me parla d'une taverne assez mal fréquentée dont Rolston, grand buveur de whisky, est un familier. L'indication se trouva exacte. Le garçon du bar, grassement payé par moi, me confia que Rolston était venu tantôt vers midi, qu'il avait embauché une demi-douzaine de vauriens prêts à toutes les besognes, et que le but de l'expédition était l'épave de la Reine Marie. Dès lors, j'étais fixé. Toute cette affaire compliquée prenait sa signification, et je fis aussitôt les préparatifs nécessaires tout en revenant ici à chaque instant afin d'assister à votre réveil et de vous mettre au courant. D'ailleurs, ajouta l'Indien, j'avais eu soin de vous mettre sous la garde de votre ami M. Calcaire, et de serrer dans ce tiroir votre portefeuille qui traînait à la disposition de tout le monde. J'ai pris 10 000 francs pour la mise en œuvre de notre affaire commune. » Simon n'en était plus à s'étonner des faits et gestes de ce singulier personnage. Pouvant prendre tous les billets dont le portefeuille était bourré, il n'en avait pris que 10. C'était un honnête homme. « Notre affaire ?» demanda Simon. « Comment l'entendez-vous ? » « Ce sera bref, monsieur Dubosc, » répondit l'Indien, un homme qui sait d'avance la partie gagnée. « Voici. » Miss Beakfield a perdu dans le naufrage de la Reine Mary une miniature de la plus grande valeur, et sa lettre vous demandait d'aller à la recherche de cet objet. La lettre a été interceptée par Rolston, qui a su ainsi l'existence de l'objet précieux et a connu sans doute en même temps les sentiments que vous porte Miss Beakfield. nous expliquant par là même le coup de couteau dont il a voulu vous gratifier. En tout cas, ayant recruté une demi-douzaine de chenapans de la pire espèce, il est parti vers l'épave de la reine Marie. Lui laisserez-vous la route libre, monsieur Dubosc ? Simon ne répondit pas sur le champ. Il réfléchissait. Comment n'eût-il pas été frappé par la logique des faits exposés ? Et comment oublier les habitudes d'Edwards, sa façon de vivre, son penchant pour le whisky et d'autre part ses dépenses excessives ? Cependant, il l'affirma une fois de plus. « Holston est incapable. Soit, observa l'Indien, mais des gens sont partis à la conquête de la reine Mary. Leur laisserez-vous la route libre, monsieur Dubosc ? Moi pas. J'ai avengé la mort de mon ami Badi Arinos. Vous avez-vous à tenir compte de la lettre de Miss Blakefield ? Nous partirons donc. Tout est prêt. Quatre de mes camarades sont prévenus. J'ai acheté des armes, des chevaux et des provisions suffisantes. Je le répète, tout est prêt. Que décidez-vous ? Simon enleva son peignoir et saisit ses vêtements. « Je vous suis. »« Oh oh !» fit l'Indien en souriant. « Si vous croyez que l'on peut s'aventurer ainsi sur la Terre Nouvelle en pleine nuit, et les cours d'eau, et les sables mouvants, et tout le reste, sans compter qu'il y a un brouillard d'enfer. Non, non, départ demain matin à 4 heures. En attendant, mangez, monsieur Dubosc, et dormez. » Simon protesta. « Dormir ? Mais je ne fais que cela depuis 24 heures. Ce n'est pas encore assez. » Vous avez eu des fatigues terribles, et l'expédition va être dure et très dangereuse. Vous pourrez en croire, œil de lynx. Œil de lynx. Antonio ou œil de lynx, ce sont mes noms, expliqua l'Indien. À demain matin, monsieur Dubosc. Simon obéit docilement. Alors que l'on vivait depuis quelques jours dans un monde aussi bouleversé, pouvait-il faire mieux que de se soumettre au conseil d'un homme qu'il n'avait jamais vu, qui était peau rouge et qui s'appelait œil de lynx? Son repas achevé, il parcourut un journal de l'après-midi. Les nouvelles affluaient, graves et contradictoires. On prétendait que Southampton et le Havre étaient bloqués. On parlait de la flotte anglaise immobilisée à Portsmouth. Les rivières, obstruées à leur embouchure, débordaient. Partout, c'était l'affolement, les communications coupées, les ports ensablés, les navires sur le flanc. Le commerce interrompu, la ruine, la famine, le désespoir, l'impuissance des autorités, le désarroi des gouvernements. Simon s'endormit assez tard d'un sommeil agité. Au bout d'une heure ou deux, il lui sembla qu'on ouvrait la porte de sa chambre. Il se rappela qu'il ne l'avait pas fermée au verrou. Des pas légers effleurèrent le tapis. Puis il eut l'impression que quelqu'un s'inclinait au-dessus de lui et que ce quelqu'un était une femme. Une haleine fraîche lui caressa le visage et dans la nuit, il devina une ombre qui s'éloignait rapidement. Il voulut allumer. L'électricité ne fonctionna point. L'ombre sortit. Était-ce la jeune femme délivrée par lui, qui était venue? Mais pourquoi serait-elle venue?